Les savants sont quelquefois une aussi méchante caution que le peuple, et une tradition, fortifiée de leurs témoignages, n'est pas pour cela exempte de fausseté. Il ne faut donc pas que le nom et le titre de savant nous en imposent. Que savons-nous si ce grand docteur, qui avance quelques doctrines, a apporté plus de façon à s'en convaincre qu'un ignorant qui l'a cru sans l'examiner? Si le docteur en a fait autant, sa voix n'a pas plus d'autorité que celle de l'autre, puisqu'il est certain que le témoignage d'un homme ne doit avoir de force qu'à proportion du degré de certitude qu'il s'est acquis en s'instruisant pleinement du fait. Je vous l'ai déjà dit, et je le répète encore, un sentiment ne peut devenir probable par la multitude de ceux qui le suivent qu'autant qu'il a paru vrai à plusieurs, indépendamment de toute prévention, et par la seule force d'un examen judicieux, accompagné d'exactitude et d'une grande intelligence des choses. Et comme on a fort bien dit qu'un témoin qui a vu est plus croyable que 10 qui parlent par ouï-dire, on peut aussi assurer qu'un habile homme qui ne débite que ce qu'il a extrêmement médité et qu'il a trouvé à l'épreuve de tous ses doutes donne plus de poids à son sentiment que 100 000 esprits vulgaires qui se suivent comme des moutons et se reposent de tout sur la bonne foi d'autrui. Ce texte que je viens de vous lire a été pour moi fondamental et il n'a cessé de me guider tout au long de ma vie.